de venir participer. Faut que je le mette très près, hein, c'est ça, faut presque que je le touche. Donc voilà, je m'appelle Maude et je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au Brésil, dont vous avez probablement entendu parler, puisque maintenant les médias français commencent à faire une place à ce qui se passe, à savoir l'une des pistes politiques de l'histoire récente du Brésil. Qui est la tentative qui va probablement fonctionner de destitution de la présidente en place qui s'appelle Dilma Rousseff et qui est au pouvoir depuis 2010, qui a été réélue en 2014. Je dis qu'elle va être destituée, elle n'est pas encore destituée. La Chambre des députés a voté sa destitution. Il reste encore un certain nombre de votes à obtenir pour qu'elle soit destituée, mais elle va être destituée, hein, d'ici une semaine, une dizaine de jours, elle sera éloignée, puis elle sera destituée, parce qu'elle a absolument plus de majorité pour la défendre. Donc je voudrais vous parler un petit peu de quoi il s'agit, parce que je trouve que dans les médias français, pendant longtemps, on a donné une interprétation extrêmement biaisée des événements, c'est-à-dire en fait l'interprétation de ceux qui veulent destituer Dilma Rousseff. Qui était appuyé par les grands médias brésiliens, qui sont des grands médias très à droite, et qui ont été considérés comme véridiques. C'est un pays qui fait 200 millions d'habitants, qui est la principale puissance d'Amérique latine, et si la démocratie, les procédures démocratiques n'y sont plus respectées, ce que je crois être le cas, c'est quelque chose de très grave à l'échelle pas seulement du Brésil, mais de tout le continent sud-américain. Et puis je voudrais aussi, parce que c'est ma spécialité, moi je suis historienne du Brésil, vous expliquer comment à mes yeux ce phénomène fait partie d'une histoire et que il faut jamais se faire d'illusions sur la solidité des démocraties et qu'il suffit de regarder l'histoire récente pour s'en rendre compte. Et c'est pas un commentaire qui vaut que sur le Brésil. Je voulais d'abord vous donner un petit peu le contexte de ce qui se passe. Donc le contexte, c'est le gouvernement de Dilma Rousseff. Qui donc est au pouvoir après une réélection depuis 2010 et dont le deuxième mandat succède à deux mandats de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, qui lui était arrivé au pouvoir en 2002. Donc ces deux figures politiques font partie d'un parti qui s'appelle le Parti des Travailleurs, qui est un parti de gauche qui a émergé à la fin de la dictature militaire brésilienne, parce qu'il y a eu une dictature militaire au Brésil comme au Chili. En France, on connaît surtout celle du Chili, hein, avec la figure de Pinochet, mais il y en a eu dans presque toute l'Amérique latine, et au Brésil, il y a eu une dictature militaire qui a duré 20 ans, entre 64 et 85. Et le PT, un parti qui a émergé à la fin de la dictature, dans l'opposition à la dictature, qui était au début un parti socialiste, au sens de volonté de construire une société socialiste, et qui a migré vers une position social-démocrate, même si cette position social-démocrate, c'est pas la même que ce qu'on peut voir comme parti socio-démocrate en France, en particulier parce que même si c'est un parti sous Lula, qui n'a pas remis en question le système économique existant, n'a pas tenté de faire un certain nombre de grandes réformes qu'il aurait pu faire, en particulier réformer les impôts au Brésil. Au Brésil, tout le monde paie 25% d'impôts, qu'on gagne 100 euros par mois ou 3 millions d'euros par mois, on paye 25% d'impôts. Il n'y a pas du tout de progressivité de l'impôt sur le revenu, ce qui est un problème pour les rentrées de l'État et puis pour la répartition des richesses. Donc il y a plein de choses qu'on peut reprocher à l'héritage du Parti des Travailleurs depuis le premier mandat de Lula, mais on peut aussi constater que sous ces mandats, la population brésilienne et la société brésilienne a considérablement changé parce que ces gouvernements ont mis en place pour la première fois dans l'histoire du pays des vraies politiques sociales, des politiques d'aide sociale, hein, des politiques d'aide à l'accession au logement, des allocations familiales, des créations de services publics, pas tous les services publics, mais en particulier les créations d'universités publiques qui ont permis une massification sans précédent et l'accession à l'enseignement supérieur des toutes petites classes moyennes et des classes populaires. Pour résumer, hein, ce qui est souvent dit sur l'héritage du PT, il y a eu 40 millions de Brésiliens qui sont sortis de la misère, qui en particulier ne connaissaient plus la faim et qui faisaient partie des petites classes moyennes dans les 15 ans, en 13 ans de gouvernement du PT. Donc il y a un héritage. Après, l'héritage de Lula et de Dilma, il n'est pas le même pour plusieurs raisons. donc Dilma qui est au pouvoir depuis 2010, elle a la caractéristique de ne pas avoir gouverné avec les mêmes conditions économiques que Lula. Lula, il a bénéficié d'une haute croissance, alors que Dilma, elle était au pouvoir après la crise de 2008, et donc elle a connu les conditions économiques beaucoup plus difficiles que celles de Lula. Et c'est aussi une personne qui n'a pas la popularité personnelle de Lula, qui n'a jamais été aussi bien élue que lui et qui a toujours été beaucoup plus fragile politiquement que Lula. Donc Dilma elle est ça politiquement. C'est quelqu'un qui a gouverné moins à gauche, qui a gouverné avec moins de popularité que Lula. Elle a gouverné moins à gauche aussi parce que comme elle était très fragile politiquement, il a fallu qu'elle s'allie avec un peu n'importe qui. Et donc elle s'est alliée parce qu'elle avait moins de 20% de la proportion au Congrès. Elle s'est alliée avec des partis de centre, avec des partis de droite, avec des partis évangélistes, avec un peu n'importe quoi, pour simplement avoir 50% pour voter un certain nombre de lois. Donc c'est difficile de considérer ce qu'a fait Dilma Rousseff depuis qu'elle est au pouvoir comme une politique vraiment de gauche, même si elle, c'est une figure de gauche. Elle a pas gouverné à gauche, mais elle n'avait pas beaucoup de latitude pour gouverner. Et alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi il se passe ce qui se passe maintenant? Depuis le début de son second mandat, elle s'est retrouvée dans une grande tourmente judiciaire autour d'accusations de corruption, d'un méga scandale de corruption, de détournement d'argent public, et en particulier des détournements d'argent d'une société pétrolière, de pétrole public, qui s'appelle la Petrobras, et une grande enquête, la plus grande enquête pour un scandale de corruption qui ait jamais été menée, a commencé à faire tomber des têtes. Alors, la particularité, c'est que les têtes sont tombées partout dans la classe politique et pas spécialement seulement au PT, moins au PT qu'ailleurs, même si le PT était le parti au pouvoir au moment où ces malversations ont eu lieu. Et ce scandale de corruption, ce désastre économique et l'impopularité de la présidente qui s'exprime dans les rues a débouché sur une procédure de destitution. Une procédure de destitution d'impeachment, hein, impeachment, comme ça apparaît dans la constitution de plein de pays, y compris la constitution française depuis 2007. Avant, on n'avait pas de procédure de destitution, maintenant on en a une. Et alors, c'est une procédure de destitution qui est censée être motivée par des phénomènes extrêmement graves dans toutes les constitutions. C'est en général des phénomènes qui ne sont pas précisés, mais qui sont censés être très très graves. Hein. Donc, des crimes personnels, ce qu'on appelle des crimes de responsabilité dans la constitution brésilienne, qui sont peu explicités, mais dont il existe un consensus public sur le fait qu'il faut qu'il y ait eu ces phénomènes pour pouvoir être destitué. Et il se trouve que la procédure qui est mise en place actuellement contre Dilma Rousseff, elle ne se repose sur aucune imputation personnelle. Dilma Rousseff n'a commis aucun crime, ni même aucun délit. Elle n'est pas corrompue personnellement. C'est une des seules, d'ailleurs, figures de premier plan au Brésil à ne pas être corrompue personnellement. Et elle est destituée par une majorité du Congrès qui est très à droite et critiquement. Donc, ce qui se passe, c'est ça. Ce qui fait que, moi, je considère que même si les procédures légales sont respectées formellement, il va y avoir effectivement un vote des deux tiers du Congrès, de la Chambre et du Sénat. Il va y avoir le Suprême Tribunal qui va donner son mot à dire, mais elle est l'objet d'une procédure de destitution sans motif judiciaire. C'est exactement le même phénomène que si on a n'importe quel président qui a été élu, dont on considère qu'il est mauvais, et qu'on destitue à l'argument du fait qu'il est mauvais. Alors, sachant que ceux qui considèrent actuellement Dilma comme une très mauvaise gouvernante, c'est une droite très dure, très religieuse, très sécuritaire, et qui considère que Dilma est mauvaise, pas parce qu'elle n'est pas assez à gauche, parce qu'elle est trop à gauche, et qu'elle porte l'héritage qui est celui du Parti des Travailleurs. Donc la procédure d'impeachment, là, elle a été commencée en décembre de l'année dernière, en décembre 2015, avec des motifs formels qui en fait sont assez anodins et qui donc sont appuyés, enfin cette procédure elle est appuyée par beaucoup de gens dans la rue, par beaucoup, beaucoup, beaucoup de Brésiliens, des millions et des millions et des millions de Brésiliens. Si on regarde les sondages, c'est un peu difficile aussi aux sondages, parce que tous les sondages sont financés par des instituts qui sont liés au parti de droite. Donc c'est difficile de savoir dans quelle mesure les sondages sont manipulés. Mais en tout cas, il y a d'importants secteurs de la population brésilienne qui appuient la procédure de destitution. Et donc elle va passer. Et maintenant, d'importants secteurs de la population qui s'y opposent, constatant que même s'ils n'aimaient pas forcément ce qui était fait par le gouvernement, pour plein de raisons différentes, il y a un problème de respect de la démocratie. C'est-à-dire, est-ce que quand il y a eu quelqu'un qui a été élu, on peut autoriser son opposition à utiliser et à instrumentaliser la constitution et la légalité existante pour la renverser, alors qu'elle est détentrice de la souveraineté populaire. Ce qui se passe actuellement, et pourquoi il y a eu une audience, peut-être que vous avez, je ne sais pas, hein, on en parlera après, vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe au Brésil depuis quelques temps, mais probablement depuis quelques jours, vous avez plus vu dans les médias ce qui se passait, en particulier parce que le vote à la Chambre des députés a été marqué les médias internationaux du fait de son déroulement, à savoir que c'est un vote qui a ressemblait à un espèce de grand cirque politique. Les députés qui étaient majoritairement en faveur de l'impeachment sont venus déguisés avec des feux d'artifice, à chanter des chansons, à brandir le slogan de la défense de l'impeachment qui est « Ciao, querid », ça veut dire « Bye, bye, cocotte ». C'est vraiment comme ça, avec une dimension extrêmement machiste qui est omniprésente quand on parle de Dilma Rousseff. Et qui ont surtout justifié leur vote, non pas en disant parce qu'elle a laissé se développer une corruption massive au Brésil, parce qu'elle serait corrompue ou ça, mais en dédiant leur vote à Dieu, à Jésus, à leur fille, à leur petite fille qui allait naître, à leur femme, à leur petite amie, à leur lutte contre l'avortement, à leur défense de la peine de mort, à la mémoire de la dictature militaire et à la mémoire, c'est ça qui a beaucoup marqué les esprits, d'un des principaux chefs des appareils de torture pendant la dictature, qui s'appelle le colonel Oustra et qui est la caractéristique d'avoir été le tortionnaire personnel de Dilma Rousseff qui, comme vous le savez peut-être, était une militante révolutionnaire dans les années 70, a été emprisonnée et torturée et elle a été tellement battue qu'elle a le visage qui a été refait en fait du fait des fractures à la mâchoire qu'elle a eues par l'homme dont on a fait l'hommage au Congrès puisque un député d'extrême droite a dit « je dédie mon vote au colonel Oustra, terreur de Dilma Rousseff » et il a été applaudi par une cinquantaine de personnes. Un autre lui a craché dessus aussi. Bon. Voilà. Donc pour vous donner un peu l'esprit de ce qui se passe, il y a le sentiment d'une farce politique, mais une farce politique qui se déroule dans une superpuissance à l'échelle du monde maintenant, une grande puissance économique et un pays extrêmement peuplé, extrêmement important. Et avec ce sentiment de farce politique, malgré le fait que plein de gens sont tellement déçus du gouvernement qu'ils considèrent que que ça respecte ou pas les procédures légales, on pourrait s'en débarrasser. Il y a un problème public actuellement qui fait qu'il y a des mobilisations maintenant massives pour défendre Dilma Rousseff, avec un climat public au Brésil qui... on ne peut pas parler de guerre civile du tout, hein. il n'y a pas de violence, mais il y a des violences interpersonnelles très fortes. Ce que je disais avant de commencer, c'est qu'on ne peut pas s'habiller en rouge, par exemple, dans la plupart des grandes villes brésiliennes, dans les quartiers riches, parce que le rouge est devenu le symbole du gouvernement. Et donc, quand on s'habille en rouge, on se fait soit insulter, soit taper dessus. Donc, il y a un climat de tension publique qui est très, très, très, très, très violent. Et ce qui va se passer, là, quand elle va se faire démettre, parce qu'elle va se faire démettre Dilma Rousseff dans quelques jours... Je voudrais avec mon point de vue qui est un point de vue d'observateur extérieur qui connaît bien le pays et puis qui est historienne, moi je travaille sur la dictature militaire, donc j'ai une connaissance historique d'un autre moment de suspension des libertés démocratiques. Je voudrais alerter autant que possible l'opinion et les gens qui s'intéressent à cette région du monde sur la gravité de ce qui est en train de se passer. De deux points de vue, d'abord parce que c'est ce que je disais au début, c'est très facile de faire semblant qu'une démocratie continue de fonctionner très bien. Et l'opposition de droite brésilienne y arrive très bien, c'est-à-dire elle montre comment une constitution, en fait on peut en faire beaucoup de choses. Une constitution, le principe c'est que c'est très flou pour pouvoir être interprété à la guise de ceux qui l'interprètent. Et actuellement, ce qui se passe, c'est à mes yeux un coup d'État judiciaire et politique, c'est-à-dire un coup d'État qui respecte un certain nombre de procédures, qui va être validé par une Cour suprême, qui va être voté par des députés ultra-conservateurs, mais qui constitue une rupture de l'esprit de la loi et une suspension, un renversement du détenteur de la souveraineté populaire qui a été élu par 54 millions de personnes, c'est-à-dire la majorité des Brésiliens. Et je trouve que c'est un moment important pour réfléchir à quelles sont les garanties de la démocratie et comment en fait on peut se retrouver à être dans un système où les institutions fonctionnent, mais où l'esprit du fonctionnement démocratique, même si ce n'est pas du tout les mêmes situations dans différents pays du monde, ne sont pas respectés. Et le dernier élément que je voudrais donner, c'est de donner une perspective historique à ça, alors une perspective historique latino-américaine, hein, donc qui n'est pas forcément familière à tout le monde, mais et probablement si jamais vous en reparlez autour de vous, il y a plein de gens qui vont vous dire « Oh, mais ils sont tous corrompus, elle était corrompue, on peut pas laisser les gens, voilà. » Donc, de considérer que c'était une mauvaise gouvernante, probablement, puis sûrement il n'y a pas de fumée sans feu, sûrement qu'elle a fait des choses qui étaient illégales, et de considérer que finalement ce principe basique de respecter le suffrage populaire, c'est quelque chose qui est fragile et qui, à l'échelle de l'Amérique latine, le Brésil, par exemple, a dans l'histoire du XXe siècle, était beaucoup plus souvent sous des régimes autoritaires que sur des régimes démocratiques. La démocratie, elle est revenue en 85, avec une constitution véritablement pour cette nouvelle république en 88. Donc c'est très récent, ça n'a même pas 30 ans, cette histoire de rétablissement de la démocratie au Brésil. Et plus important encore, quand on regarde les interruptions de la démocratie au XXe siècle au Brésil, en fait, elles ont toujours été justifiées par le fait que les gouvernants étaient corrompus. Ceux qui les renversaient étaient tout aussi corrompus, voire plus, mais c'était pas grave. Ont toujours renversé des représentants du peuple. Alors, disons, représentants du peuple au sens qui incarnait des classes populaires. Les incarnait en les opprimant, qui les incarnait en n'étant pas aussi avancés que ce qui était promis, etc. Mais les coups d'État ont toujours été des coups d'État conservateurs contre des pouvoirs populaires. Et surtout, et ça c'est une caractéristique du Brésil, les coups d'État ont généralement, et en particulier le dernier en 64, respecté formellement les principes démocratiques. Le coup d'État de 1964 au Brésil, il y a eu des militaires qui sont descendus dans les rues. Si là en 2016 il y avait des tanks dans les rues de Rio, peut-être pour nous, ce serait plus clair. On dirait, sur un Copacabana, il y a des chars de guerre. Ça a l'air d'être un coup d'État. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de chars de guerre. Donc, on ne se dit pas qu'il se passe ça. Mais en fait, le reste du déroulement du coup d'État de 64, c'est exactement la même chose. Il y a eu un congrès très conservateur qui a voté la destitution du président, qui était un président travailliste. Le suprême tribunal a validé le fait que le congrès votait la destitution du président. Et on a commencé avec une dictature militaire de 20 ans. C'est pas ça qui va se passer maintenant. Les militaires, bien que très très favorables à la destitution, parce que très à droite, ont l'impression qu'on n'a pas besoin d'eux. Donc ils vont probablement pas intervenir. On n'est pas à la veille d'une dictature militaire, mais on est à la veille d'un coup d'État au Brésil. C'est quand même assez important pour le signaler et s'en inquiéter, ce qui n'est pour l'instant absolument pas le cas des partenaires du Brésil internationaux et à peine de l'ONU, et encore très très très très difficilement. Dilma Rousseff aujourd'hui est arrivée à New York pour parler aux Nations Unies pour dire qu'elle est victime d'un coup d'État. Donc voilà, je ne vais pas parler plus longtemps si on n'aura pas le temps de discuter, mais c'était ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, si vous avez des questions. Oui. Le sujet qui... si on parle de la destitution, du processus de destitution, dans ces cas-là, tu remets en cause ce processus-là même, puisque, en fait, ce sont les députés eux-mêmes. Est-ce qu'il y avait une majorité de gauche au Congrès ou au Parlement, je ne sais pas, brésilien? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut remettre en cause ce processus de destitution, puisqu'apparemment, coup d'État, je ne sais pas si on peut parler de coup d'État, puisqu'on parle de coup d'État quand les militaires rentrent en compte et quand on ne respecte pas les processus démocratiques. Donc, je ne dis pas que ce qui se passe actuellement ne va pas dans le bon sens, mais qu'en est-il, le fait que ce n'est pas respecté? Est-ce que vous avez d'autres questions? Comme ça, on peut en prendre plusieurs avant la réponse. Oui. Ben en fait, moi, par rapport à ce que tu dis, je comprends qu'elle puisse être destituée du fait qu'elle n'arrive pas à appliquer ce pourquoi elle a été élue, puisqu'elle n'arrive pas à avoir une politique de gauche, puisqu'elle a dû s'allier à des partis de droite. Pour moi, le problème, ça va surtout être de qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce qu'il va y avoir des élections où son parti pourra quand même être présenté par quelqu'un d'autre qui n'a pas ces échecs-là? Enfin, comment est-ce que... Enfin, moi, je comprends tout à fait qu'un mouvement populaire puisse virer un président, ça me pose pas de problème. Juste, voilà, c'est surtout ce qui se passe après. Voilà. Alors, sur la destitution et ce que c'est que l'impeachment, c'est une procédure un peu bâtarde parce que partout où ça existe, c'est une procédure qui a les traits d'une procédure juridique. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'on destitue le représentant de la souveraineté populaire parce qu'il a commis un crime grave. Mais c'est pas un crime qui est jugé par des instances judiciaires. C'est systématiquement jugé par des élus. Donc partout, c'est bâtard comme procédure, hein, puisque c'est toujours les congrès, donc les hommes politiques, qui décident si un crime a été commis. Bon. Et ça, c'est pareil en France. Hein. En France, dans le texte de la Constitution, c'est le Parlement aurait à décider si le président est manifestement incapable d'exercer son mandat. Manifestement incapable. Donc voilà, on demande aux députés s'il est manifestement incapable. Le problème là, c'est que cette procédure bâtarde repose sur un consensus d'accord entre une procédure judiciaire et une décision politique. C'est-à-dire que, par exemple, il y a déjà eu une procédure d'impeachment au Brésil en 92, qui était Fernando Collor. Il a été condamné par la justice pour détournement massif d'argent public au profit de sa famille. Et la procédure politique a validé la sanction judiciaire. Ce qui se passe actuellement, c'est que les députés agissent, et l'avouent, hein, en disant il n'y a pas de raison juridique, il n'y a pas de crime véritablement commis, mais... elle est tellement mauvaise qu'il faut qu'elle s'en aille. Et le problème, à mes yeux, n'est pas dans la procédure d'impeachment. Je pense qu'il faut de destitution des élus qui commettent des crimes, qui volent, qui... voilà, bon. Mais il faut qu'il y ait un respect par le pouvoir législatif du pouvoir exécutif. Sinon, il n'y a plus de séparation des pouvoirs. En tout cas, dans un régime présidentiel. Mais sauf que le Brésil est un régime présidentiel. On pourrait considérer que les élections deviennent indirectes. On laisse les élus, les députés, décider du président. Mais c'est un autre régime. C'est plus le suffrage universel direct. Il se trouve qu'au Brésil, il y a une légitimité populaire directe à la présidence de la République. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas réussi à avoir du tout une majorité qui permet de voter ses lois. Et la majorité lui était tellement hostile qu'elle a instrumentalisé la Constitution pour la destituer. Donc moi, mon problème, il est dans le fait qu'ils avouent publiquement qu'ils s'en fichent de la Constitution. D'ailleurs, ils l'ont dit. Hein. Ils l'ont dit, là, les débats juridiques pour savoir est-ce qu'il y a un motif pour impeacher ou pas, on s'en fiche. Elle est mauvaise, on est tous d'accord. Voilà. Donc pour moi, dans ce type de discours-là, il y a une atteinte à la démocratie, puisqu'il y a, on considère que... que des députés, je dis pas des mouvements populaires, après je te réponds sur les mouvements populaires et le fait d'impeacher quand on est un mouvement populaire et qu'on considère que quelqu'un est incompétent, mais des députés qui se trouvent être des députés ultra conservateurs, hein, décident eux pour installer un régime, ça va être la plus grande libéralisation de l'histoire du Brésil, hein, puisque ce qui se prépare, ça va être ça, pour installer leur propre pouvoir, alors qu'ils ont perdu les élections. Ils ont perdu les élections, et ils acceptent pas d'avoir perdu les élections, donc ils prennent leur revanche avant de craindre de les reperdre, hein, puisque aussi, là, ce qui explique en partie l'impeachment, c'est que Lula était très haut dans les sondages, et qu'il y avait la perspective qu'il soit réélu en 2018. Ce qui n'est pas idéal pour une démocratie non plus d'alterner les dirigeants avec deux mandats là, de l'un, de l'autre, deux mandats là. Hein, mais en tout cas, ça a probablement fait peur à la droite, en plus de craindre des poursuites judiciaires contre les gens de droite. Ah, ce que j'ai pas dit, et après vraiment je te réponds, c'est que les gens qui votent l'impeachment actuellement en Congrès sont massivement impliqués dans les scandales de corruption. Massivement impliqués dans les scandales de corruption, en particulier le président de la Chambre des députés qui s'appelle Eduardo Cunha. Il est, lui, extrêmement entaché par des tonnes de scandales de corruption. Il a plein de comptes en Suisse, alimenté par plein de comptes dans des paradis fiscaux. Il est impliqué dans l'affaire sur le pétrole dans laquelle Dilma n'est pas impliquée. Bref, il y a un côté farcesque, hein, dans le fait que, autour d'un débat sur la corruption généralisée, on va impeacher une figure qui a plein de défauts, mais qui elle-même n'est pas corrompue. Et cette procédure est menée par des gens qui sont officiellement massivement corrompus et qui, en impeachant Dilma, vont se protéger des poursuites ultérieures. Bon, ensuite, pour savoir est-ce qu'il faut qu'il existe, hein, c'est un peu la même question, même si c'est pas que sous le même angle. Est-ce que il faut pouvoir avoir un mandat impératif, c'est-à-dire on élit quelqu'un, il a un programme, s'il l'applique pas, on a le pouvoir constituant puisqu'on est le peuple, hein, donc c'est nous qui décidons de où est-ce qu'on met notre souveraineté, et donc on pourrait démettre la personne qu'on a élue parce qu'elle n'accomplirait pas le programme pour laquelle lequel elle a été élue. Alors c'est un débat démocratique, hein. Le mandat doit-il être impératif ou pas? Je trouve qu'au Brésil, il y a le débat, à mon avis, peut-être que je suis un peu réformiste, hein, est sur le système politique. C'est-à-dire c'est un système politique où on fait voter les gens sur des gens avec des programmes en disant qu'ils vont appliquer les programmes. Les gens, ils ont élu Lula, ils ont élu Dilma. Avec des programmes sociaux, hein. Elle a fait une campagne à gauche, Dilma Rousseff, elle a fait une campagne, bon. Et puis après, il y a un système politique extrêmement représentatif à la base, complètement trusté par des partis de notables au niveau local, qui ensuite donne moins de 20% aux partis présidentiels au Congrès. Et 80% à des partis de notables qui penchent du côté du Manche. Quand le Manche a pu être du côté de Dilma, ils ont penché complètement à droite, à savoir le gros parti de centre. Et donc moi le problème c'est un système politique qui marche sur la tête, c'est-à-dire on dit aux gens de choisir un projet et puis après ils votent localement avec un système aussi extrêmement clientéliste où on va voter sur une personne un peu indépendamment de son lien avec le pouvoir central et ensuite évidemment ça fait des régimes qui ne peuvent pas gouverner et où il y a des alliances où le PT a perdu son âme à mes yeux en s'alliant avec des évangélistes, avec des libéraux, avec des sécuritaires, avec absolument tout et n'importe quoi. Tous ceux qui étaient d'accord à un moment pour voter telle loi, on s'est alliés avec. Puis des fois, on les payait aussi, hein, parce que c'est comme ça que ça marche. Et dans ça, le PT a perdu son âme. Et le PT aurait dû déjà tenter une réforme politique qui empêche que la démocratie représentative soit à ce point-là tordue. Il ne l'a pas fait, on peut lui reprocher. On peut aussi dire que les seules fois où il y a une petite tentative d'une réforme politique, à savoir après les grandes manifestations de 2013, Dilma Rousseff a proposé qu'il y ait une grande réforme politique, la droite a fait obstacle. Et en particulier, le vice-président actuel qui va devenir le président, Michel Temer, a été la principale force à faire obstacle à une réforme politique. Évidemment, ils n'ont pas intérêt à faire une réforme politique. C'est eux qui en sont les bénéficiaires, ils sont massivement élus avec ce système-là. Donc, et puis par ailleurs, les mouvements populaires, il faut savoir que les millions et les millions de Brésiliens qui sont dans les rues, les millions qui manifestent pour l'impeachment d'Dilma Rousseff, il ne faut pas voir ça comme l'incarnation du peuple qui lutte contre un mal gouvernement. Il y a de ça. Il y a une lassitude énorme à l'égard de la corruption généralisée. Et puisque c'est le PT qui est au pouvoir depuis 13 ans, forcément, il est ultra responsable. Et je comprends ça. Quand on est au pouvoir, on est responsable aussi de son opposition, en fait. Et on n'avait qu'à faire des lois qui empêchent que l'opposition soit corrompue. Alors, on ne peut pas dire, nous, on est moins corrompus que eux. Bah oui, mais vous êtes au pouvoir, vous allez les mettre plus en prison et faire des lois qui faisaient qu'ils étaient moins corrompus. Je comprends cette lassitude-là. Il faut aussi savoir que les manifestations pro-impeachment, elles sont très conservatrices. C'est des manifestations que moi, j'ai déjà vues dans l'histoire du Brésil. Hein. C'est des manifestations qui ressemblent à d'autres épisodes de manifestations de classe moyenne qui sont lassés des gouvernants en place, qui sont des gouvernants qui prétendent représenter le peuple, qui le représentent ou ne le représentent pas, enfin qui prétendent représenter le peuple, et qui revendiquent tout un tas d'autres choses que ça, et en particulier c'est des manifestations qui sont socialement conservatrices, politiquement conservatrices, qui revendiquent tout un tas de mesures que nous on considérait comme ultra-conservatrices, l'une d'entre elles étant le retour des militaires au pouvoir, ce qui est quand même assez spécial, hein, puisque c'est pas majoritaire dans les manifestations pro-impeachment, mais par contre, quand il y a quelqu'un qui arrive avec une banderole forces armées au pouvoir, nettoyer tout ça, il est acclamé. Faut pas toujours penser, à mes yeux, hein, qu'à le peuple, et puis le peuple, il va dans la rue, et puis il se soulève contre des gouvernants. Le peuple, il est varié. Et dans le cas du Brésil, actuellement, le peuple, il est divisé en deux, avec une moitié du peuple qui attend un tournant conservateur, sécuritaire, qui attend qu'on nettoie la favela, qu'on remette la religion à sa juste place et qu'on en finisse avec ces communistes du PT, ce qui est quand même le comble de considérer que le PT est communiste vu la politique qu'ils font. Donc voilà, c'est mon commentaire sur la rue. Est-ce que vous pouvez, enfin, n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous asseoir, comme ça c'est plus facile pour tout le monde d'entendre, et n'hésitez pas à participer, parce que c'est un débat maintenant. Ouais, moi j'avais deux questions. Tu dis que lors du vote, ils ont donc dédié leurs vœux aux tortionnaires de Dilma et d'autres, j'imagine. Mais alors justement, ces tortionnaires de la dictature, ils n'ont pas été jugés. Ils sont, enfin, qu'est-ce qui s'est passé après la dictature? Est-ce qu'ils sont encore susceptibles de reprendre du pouvoir? Et l'autre question, est-ce qu'il y a aussi des manifestations pour soutenir Dilma? Est-ce que parce qu'on parle dans la presse française que des manifestations anti-Dilma, mais est-ce qu'il y a l'équivalent de grandes manifestations pro-Dilma? Moi, ce qui m'intrigue dans ce que tu dis, c'est que c'est une grande révolte conservatrice. Mais quand je regarde un peu les journaux, je vois que Dilma Rousseff, elle a une opinion favorable vraiment super faible, c'est de l'ordre de 5%. Et on peut se poser aussi la question de la légitimité au pouvoir d'une personne qui a, malgré le retour de Lula, une opinion favorable aussi faible. Et ma question est de savoir, est-ce qu'il y a un mouvement qui contrebalance celui des conservateurs qui serait plus à gauche? C'est-à-dire, tu parles d'une moitié de la population qui est très conservatrice, mais que fait l'autre malgré... On voit que le Parti travailliste est quand même très faible dans les sondages. C'est quoi l'autre mouvement? Est-ce qu'il y en a un qui existe plus à gauche ou, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, qu'est-ce que serait la suite, en fait? Parce que on voit bien, mais la communauté internationale, si elle s'immisce dans ce processus, c'est vraiment une ingérence dans la politique même du pays. Je ne vois pas ce que Dilma espère en allant à l'ONU. En quelque sorte, elle demande une intervention dans son pays, là je vois pas trop, parce que moi j'ai envie de dire on ne peut que reprocher au pouvoir en place de pas avoir tout fait pour changer la politique actuelle, même si l'opposition s'y est opposée. Ils avaient quand même 13 ans pour changer ça, quoi. Donc ils ont changé des choses, mais d'accord, quoi qu'il en soit, là elle se retrouve face à la conséquence même du pouvoir du système politique en place. Alors, sur les tortionnaires, le Brésil a la caractéristique d'être le seul pays d'Amérique latine qui a connu une dictature militaire avec un très haut degré de répression politique, et de jamais remettre en cause l'amnistie des tortionnaires et des assassins, des agents de l'État qui ont torturé et assassiné. Dans tous les pays, les militaires se sont auto-amnistiés, donc avant d'être renversés ou de quitter le pouvoir, ils se sont auto-amnistiés pour jamais avoir de problème. Et dans tous les autres pays, cette auto-amnistie a été cassée ensuite, sauf au Brésil. Donc au Brésil, il y a eu une amnistie en 79 et elle n'a jamais été remise en cause. Il y a eu des procédures individuelles qui ont été menées, qui ont débouché sur 3 condamnations symboliques. De 3 personnes, dont Oustra d'ailleurs, dont celui qui a été à qui on a rendu hommage au congrès. Mais sinon, c'est tous des gens qui sont soit tranquillement dans leur maison, soit qui sont morts dans leur lit. Personne n'a fait une journée de prison, personne n'a payé 1 euro d'amende. Et malgré la mise en place d'une commission vérité, donc une commission vérité et réconciliation, comme dans plein de pays, la dernière, elle a rendu ses travaux il y a un an, Dilma Rousseff a dit qu'elle ne remettrait pas en cause l'amnistie. Donc il n'y a absolument aucune condamnation. Et par ailleurs, c'est des gens qui ont maintenant dont la mémoire, d'autant plus avec la radicalisation politique actuelle, est revalorisée. Donc il n'y a pas du tout un adjournamento avec le fait que c'est un passé condamnable. Et le fait que la torture et des violences continuent d'être utilisées par la police militaire, par exemple, pour lutter contre des trafiquants, etc. Et même utilisé en disant, mais vous voyez bien, de toute façon, la torture, des fois, c'est nécessaire. Avec les trafiquants dans les favelas, il faut bien, sinon on n'y arrive pas à démanteler les gangs. Et à l'époque, c'était des terroristes communistes. C'est pareil. Hein. Donc, il y a vraiment un discours. Je ne pense pas qu'il y a de menace de retour des militaires au pouvoir. Mais par contre, ils n'ont pas été rayés de l'histoire et de la mémoire positive. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Donc il y a un parti qui est à gauche du PT qui s'appelle le PSOL, qui est vraiment le nouveau truc dans lequel la gauche peut croire, qui actuellement est totalement solidaire de Dilma, qui était ultra hostile au gouvernement de Dilma en disant qu'il valait mieux tenter plutôt que de se compromettre et rien réussir à faire, mais qui actuellement est tellement épouvanté par ce soulèvement d'une classe politique ultra-conservatrice, militariste et religieuse, qui fait corps absolument. Celui qui a craché sur le député qui a rendu hommage aux tortionnaires, c'est une des figures principales, c'est Jean Willis, celui qui était venu à Paris il n'y a pas très longtemps. Cracher, c'était toujours un problème. Enfin, c'était l'ambiance générale. Hein. Et donc, qu'est-ce qui va se passer actuellement? Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va quitter le pouvoir, que le vice-président qui est du parti de centre-droit va faire alliance avec la droite et l'extrême droite et va mener un gouvernement qui va casser l'essentiel des politiques sociales qui ont été menées par le PT et faire une réforme néolibérale de l'économie. C'est ça qui est prévu. Il a déjà annoncé son plan, le vice-président. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est ça. Je pense que les gens vont pas être contents. Mais le fait que les gens soient pas contents, je sais pas ce que ça va donner. Je pense aussi que les grands procès en cours vont s'arrêter. Je pense que les gens, ils ont voté, là, les députés, ils ont voté pro-impeachment parce qu'on leur a donné en échange une immunité judiciaire. Et que le président de la Chambre a échangé le vote contre une immunité à venir. D'ailleurs, il y avait l'idée qu'il y avait un mot de passe et quand on parlait de sa famille, c'était une manière de dire, quand on rendait hommage à sa famille, c'était un mot de passe pour dire tu m'as promis, souviens-toi. Ça, c'est une rumeur plus qu'une réalité. L'avenir le dira ensuite avec des témoignages. Mais pour l'instant, je pense qu'il va se passer ça. Sur le fait que Dilma, elle est très impopulaire. Dilma, elle a la popularité de François Hollande à peu près. Hein, donc ça, pour vous dire, hein, c'est pas quelqu'un de... Elle a fait la politique, elle a la popularité de François Hollande. C'est facile, c'est pareil. Hein, sauf qu'elle, elle a plus d'excuses institutionnelles que François Hollande qui avait une majorité pour faire les choses qu'il avait en partie promises. Le problème de... Voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Lula a 50% de popularité, Dilma 10, ils sont du même parti. C'est compliqué aussi, hein, c'est-à-dire si Lula arrive à se présenter en 2018, sûrement il va gagner après 2 ans de gouvernement conservateur. C'est compliqué parce qu'il y a une personnalisation telle de la vie politique au Brésil que sur des programmes proches, il peut y avoir quelqu'un qui a 10%, quelqu'un qui a 50% d'approbation. Et par ailleurs, là, la popularité de Dilma, elle est en train de monter en flèche parce qu'il y a des gens, justement, qui considèrent que ce qui se passe, c'est plus d'être contre ou pour le gouvernement de Dilma, c'est de savoir ce qu'on veut faire de ces institutions démocratiques. Et de ce que tu demandais, Mathilde, sur les manifestations, il y a des manifestations maintenant de plus en plus massives qui commencent à égaler, comme nombre de gens dans la rue, les manifestations pro-impeachment. C'est pour ça que le pays est divisé, c'est que, ça y est, les gens descendent dans la rue pour dire qu'ils veulent conserver le gouvernement et qu'ils veulent pas... parce que plein de gens trouvaient que Dilma était pas bien aussi parce qu'elle était trop à droite et que si c'est la renverser pour avoir beaucoup pire, c'est un peu compliqué, quoi. Bon. Oui. Vous aviez une question, monsieur? D'accord. Bonjour. Du coup, est-ce que c'est pas une bonne chose tout ce chamboulement dans la politique interne du Brésil si on considère que les institutions étaient à la base pas faites pour gouverner de manière raisonnable et si Dilma n'a jamais pu faire appliquer sa politique travailliste, est-ce qu'on peut pas considérer que cet impeachment qui suit et ensuite plein de débats au sein des partis, entre les partis, est-ce que c'est pas une bonne chose au final pour le Brésil, même si ça risque de prendre du temps, même si on peut pas très bien prévoir ce qui va se passer ensuite, est-ce que c'est pas une chose un peu saine? Alors, je dis juste pour les Nations Unies, elle attend pas qu'il y ait les casques bleus qui débarquent à Rio, hein, je pense qu'elle attend une condamnation internationale, elle essaie d'avoir des pays qui vont condamner. Comme ça se voit quand il y a un renversement par les armes quelque part, il y a des gens qui reconnaissent pas le gouvernement d'après, je pense que ça c'est peu probable, mais d'avoir une condamnation. Il y a eu les Nations Unies qui ont dit qu'ils étaient inquiets du processus démocratique, etc. Je pense qu'elle essaie d'accroître ce mouvement-là pour que son opposition se dise que peut-être leur mouvement n'est pas aussi bien accepté par l'opinion publique internationale que ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais c'est un peu aussi, je pense que c'est un peu pour l'honneur, hein, elle y croit pas, plus personne n'y croit hein, au Brésil. Hein, mais... Ah oui, le vice-président est très très, c'est un libéral quoi, c'est un religieux. Pourtant c'est son vice-président, mais le problème c'est ça, c'est que les gens ils ont élu un ticket Dilma Temer. Ils ont élu les deux, puisque Dilma, pour avoir l'espoir d'une petite majorité au Congrès, il fallait qu'elle s'allie à la base avec ce parti de centre pourri, qui est à la fois le plus corrompu de très loin du Brésil, et qui prend la politique, une politique de centre, qui en gros penche un peu à droite, mais qui penche du côté du manche. Hein. Non, mais je suis d'accord qu'il y a un vrai problème institutionnel. Et pour répondre à ta question sur, de toute façon, vu à quel point c'était pourri le fonctionnement institutionnel, vaut mieux pas que tout explose. Le problème, c'est que là, rien va exploser. Moi, je suis tellement hostile à ce phénomène de renversement là par ce groupe-là que j'aurais eu du mal à trouver que il fallait bien en passer par là. Mais là, on se dirige pas du tout vers donner le pouvoir à des gens qui pourraient réformer le financement des partis politiques et l'autonomie de la justice pour que véritablement on diminue le niveau catastrophique de corruption de l'ensemble de la classe politique, qu'on fasse une réforme politique qui permette qu'il y ait une adéquation entre les modes de scrutin, qui permette que les pouvoirs aient des majorités pour gouverner. Et voilà, on se dirige pas du tout vers ça, on se dirige vers donner le pouvoir à ceux qui depuis toujours ont été, et avec succès, hostiles à ça. Les prochaines élections, c'est 2018. Donc, a priori, Temer va arriver au pouvoir dans une semaine. Et en 2018, il va y avoir des nouvelles élections présidentielles où Lula va se présenter s'il n'est pas en prison, puisqu'il est sous l'effet d'une procédure judiciaire qui va peut-être l'amener en prison. On verra quelle est la validité de cette procédure judiciaire. Pour l'instant, elle a du mal à progresser, cette procédure judiciaire, parce que je veux pas dire, peut-être qu'il est corrompu, mais probablement vraiment pas beaucoup par rapport aux autres, hein, parce que c'est difficile d'assumer ça comme discours public. Mais honnêtement, c'est ce que je pense. On lui reproche d'avoir un pédalo, par exemple, hein, d'avoir pas déclaré aux impôts un pédalo pour pédaler, et d'avoir utilisé un appartement qu'il aurait beaucoup utilisé, donc il aurait pu le déclarer. Les gens qui l'accusent de ça, ils ont 30 millions d'euros qu'ils ont fait évader, ils sont dans tous les Panama Papers, ni Lula ni Dilma n'est dans les Panama Papers, ni dans aucune des listes de dénonciation. Voilà, je dis pas que le PT est clean, c'est évidemment pas le cas, je pense que Dilma, elle ne s'est jamais enrichie de rien, de rien, elle a été toujours nette. Lula, j'en sais rien, mais probablement c'est vraiment peanuts par rapport à cette immense classe politique, mais ça va peut-être le mener en prison, hein, et d'autant plus si la droite est au pouvoir. Je disais qu'il me semblait qu'il y avait un élément déclencheur dans cette destitution. Ce que j'ai lu dans la presse, c'est qu'elle a maquillé les comptes publics. Et c'est ainsi que l'opposition s'est instillée dans les interstices pour avoir une assise pour la destitution. Pardon. Je voudrais revenir sur le parallèle entre François Hollande et... François Hollande a eu le terrorisme en plus, pour miner ses positions, et Dilma a eu aussi la chute du dollar, la chute du pétrole. Alors je voudrais savoir quelle est la proportion dans le budget brésilien du manque à gagner dû au pétrole. Oui, dernière question. Comment t'expliques que le monde, ou que même actuellement les médias français et même la classe politique disent finalement si peu de mal de ce qui ressemble vraiment à un coup d'État? Alors, juste sur la motivation juridique de l'impeachment, donc c'est ce qu'on appelle les pédalages fiscaux. Hein, donc, ce qui est mis dans le texte, hein, de rapport pour impeacher Dilma Rousseff, c'est le fait qu'elle a dépensé, elle a introduit un débit dans les comptes publics l'année d'après, alors qu'il avait été dépensé l'année d'avant, ce qui fait que pour réduire artificiellement le déficit d'une année, voilà, donc c'est du maquillage des comptes publics. C'est un délit, c'est pas un crime de responsabilité, c'est un délit qui, d'une part, a la caractéristique d'être très fréquemment commis par toutes les administrations publiques. Faut pas faire ça. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ce type de pratique, qui est une pratique courante, justifie un impeachment? À mes yeux, évidemment non. Et c'est vraiment pas pour ça qu'elle est impeachée. De toute façon, depuis sa réélection, l'impeachment est sur la table. ça a permis d'ouvrir une brèche. Mais quand on a des ennemis à ce point-là, puissants et désireux de revenir au pouvoir, il ne faut pas connaître d'erreurs. Or, Dilma Rousseff, elle a commis un nombre d'erreurs apocalyptiques, c'est-à-dire elle avait des grandes difficultés que Lula n'avait pas. Elle avait la crise chinoise, elle avait l'effondrement des prix du pétrole, alors que là, c'était le moment où soudainement il y avait une nouvelle richesse qui était découverte et qui allait pouvoir financer tous les programmes publics prévus. Elle a eu des énormes difficultés économiques dont elle ne s'est pas sortie. C'est toujours pareil, hein, on ne sait jamais dans quelle mesure, de toute façon, elle n'a pas fait les bonnes politiques qui permettaient de faire ça, c'est ce que ses opposants lui reprochent, ou du fait qu'elle avait des circonstances qui fait qu'elle ne pouvait plus du tout financer ce qu'elle avait promis l'année d'avant. Bon. Elle avait un congrès extrêmement hostile qui, de toute façon, ne votait jamais rien de ce qu'elle proposait, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan des mœurs ou que ce soit sur le plan économique. Donc, elle s'est retrouvée totalement paralysée et dans une situation très très difficile. C'est ça qui explique l'impeachment. La question, c'est de savoir comment on sort de cette situation-là. Et là, la sortie qui est proposée, c'est une sortie par son opposition ultra-conservatrice. Donc forcément, moi, je suis contre le fait de sortir par là. Je ne sais pas comment on pourrait sortir autrement. Moi, je pense qu'il aurait fallu appeler à une assemblée, pas une assemblée constituante, mais une assemblée pour la réforme politique. Ça a été proposé par un politicien qui s'appelle Emir Sader, qui a dit qu'il faut faire comme une assemblée constituante. On fait un suffrage universel. Il avait proposé que ce soit des gens qui n'avaient jamais été élus et qui ne seraient pas rééligibles, qui auraient pour mandat d'écrire une réforme politique, une réforme des institutions, une réforme politique et des modes de scrutin, du financement des partis politiques, une réforme de la vie politique. Et je pense qu'elle aurait dû tenter ce coup-là. Après, si elle tentait un coup en dehors de la Chambre et des lois, elle avait le risque d'avoir une réaction violente. Parce que moi, je pense que si elle tente de faire ce genre de coup, c'est-à-dire pas un coup où elle reste au pouvoir en disant « Mais si là, elle dit « Je vais utiliser telle brèche de la législation pour faire un référendum, pour savoir si les gens veulent que je reste au pouvoir le temps de faire une réforme politique et qu'elle a perspective de gagner », là, je pense que les militaires peuvent descendre dans les rues pour la virer de force. Là, je pense que c'est une vraie probabilité. C'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui reproche de pas avoir pu, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec ce système-là? Qu'est-ce qu'elle vraiment pouvait faire avec de telles forces conservatrices en place 5 minutes. Je pense que j'ai oublié des questions. T'avais posé quoi comme question, toi? Ah, pourquoi la presse internationale? La caractéristique, c'est déjà au Brésil, c'est que la grande presse, c'est un peu comme en Italie. C'est, tout est possédé par quelques grandes firmes. Donc il y a 5 familles, en particulier vraiment familles, qui détiennent tous les médias brésiliens. 95% des grands médias brésiliens, essentiellement la télé, mais aussi les journaux, la radio, Internet, tout ce que vous voulez, et que ces grandes familles sont de droite et ont été très très hostiles au gouvernement de Dilma. Ce qui fait que quand on parle pas beaucoup portugais ou un peu, qu'on n'a pas une connaissance, qu'on n'a pas d'autres interlocuteurs, qu'on ne sait pas s'il y a des médias alternatifs qui pourraient raconter quelque chose de différent, on a accès à un discours extrêmement lisse sur ce qui se passe, c'est-à-dire le peuple se soulève contre une présidente corrompue. Voilà, c'est ça le discours depuis un an, et les médias internationaux, français plus que les autres, hein. Faut se rendre compte que finalement anglo-saxons et allemands et espagnols ont essayé d'avoir des regards un peu différents. Les médias français, jusqu'à il y a 2 semaines, c'était complètement petit soldat, on va lire l'équivalent du Figaro, et hop, on va répéter le Figaro, ça a l'air bien. Bon. Je pense qu'il y a un problème de méconnaissance, de distance culturelle et de journalisme, hein, qui se dit pas que quand il y a un tel conflit politique, peut-être qu'il y a 2 versions de l'histoire. Et c'est ça aussi qui fait que bon, voilà, on découvre un petit peu maintenant que peut-être c'est pas aussi blanc et noir, et qu'en particulier destituer quelqu'un pour corruption quand elle n'est pas corrompue, et que celui qui mène la procédure est poursuivi pour corruption dans 5 procès différents, il y a un problème, quoi. Il y a un problème moral, éthique et démocratique. Bon, voilà, je pense que c'est tout. Merci, hein.